ne bouge plus. Reste comme ça, couvre d'un drap ta jambe nue. Ne souris pas, ce n'est pas drôle. Je ne vois pas, mes mains te frôlent. Baisse les yeux, que je vois mieux. Tes longs cils noirs, ton doux regard. Imagine, imagine un peu que nous nous sommes, que nous nous sommes que tous les deux. Oh, imagine, imagine seulement que l'espace n'est pas le temps. Garde-moi et tends ton bras. Baisse le store, je vois dehors. Ne pleure pas, ça ne sert à rien. On est si bien, reste comme ça. C'est merveilleux. Ouvre les yeux, que tu es belle, toute cruelle. Imagine, imagine un jour où il faudra. C'est un moment merveilleux. Tes cheveux longs, éparpillés sur l'édredon, sont tout mouillés. Ta main se pose, ton front se plie. Je me repose sur ton ennui. L'ennui est beau quand tu souris. Il fait trop chaud. Ouvre la vie. Tout.